Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés, animée par Teddy et Fabien. Nous revenons de la séance d'Avengers Infinity War, le film qui est sorti mercredi dernier, donc c'est le 19e film de la... du MCU, donc qui fête ses 10 ans cette année. Il y a déjà eu Black Panther en février, que moi j'avais assez bien aimé, et il y aura bientôt Ant-Man and the Wasp en mois de juillet. Donc ce film, on trouve la plupart des nouveaux super-héros, mais aussi les anciens, toujours dominé par Chris Evans en Captain America et Robert Downey Jr. en Tony Stark. La vraie nouveauté, c'est Josh Brolin dans le rôle de Thanos. Dans ce film, donc, tous les Avengers et les gardiens de la galaxie sont opposés à Thanos qui, lui, est en quête des pierres d'infinité. Et là, c'est vraiment le gros morceau, c'est-à-dire que, il y a du dégât, quoi. Alors moi, je vais juste commencer avec en disant qu'il y aura une partie spoil et une partie non-spoil. Mmh. On va commencer par le non-spoil, mais ouais. On va être obligé d'être hyper rapide parce que, il n'y a pas grand-chose à dire si on spoil pas, quoi. C'est ça. Partie non-spoil, on peut dire que graphiquement, c'est plus que correct, quoi, c'est grandiose. Enfin, Thanos, une bonne présence à l'écran, hein, je veux dire, voilà. C'est pas vraiment un Avengers, hein, c'est The Story of Thanos, hein, ça aurait été beaucoup mieux pour poursuivre l'univers. Et voilà, on retrouve tous les super-héros, hein, Thor, Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange, Spider-Man, Iron Man... on retrouve toute la panoplie de super-héros et on travaille un petit peu mieux, je trouve, les personnages secondaires dans ce film. Bon, moi, au niveau visuel, je vais quand même souligner la qualité d'animation de Thanos, hein, bien sûr. C'est autre chose que le Steppenwolf de Justice League. Hein. Ah ouais, là, les CGI de Thanos, rien à voir. Il est vraiment expressif, il est vraiment vivant, il fait vraiment personnage intégré dans un film, il donne vraiment l'impression d'avoir quelque chose à raconter. Il est très expressif. Bon, faut quand même souligner que c'est Josh Brolin qui l'incarne, et il l'incarne avec un certain brio, quoi, on va dire. Ouais, franchement, l'acteur est bon au niveau de Thanos. Les motion capture de son visage, face capture, sont vraiment bien réalisés. Moi, je l'ai vu, j'ai pas eu l'impression de voir un CGI. Hein. Non, j'ai eu l'impression que c'était un vrai personnage, hein, qui arrivait. Ça passait tout seul, il est très bien intégré. Il y a aussi les autres personnages. On retrouve Iron Spider, qui est pas trop mal animé aussi. Bon, les autres, on les connaissait plus ou moins. En termes de nouveaux personnages, on n'a pas vraiment grand-chose, hein, finalement, par Iron Spider et Thanos. En termes de nouveaux personnages, on a plus les enfants de Thanos. Hein. Ouais, c'est ça. Le cercle noir, ça dépend, c'est dur à dire. L'ordre noir. Ouais, l'ordre noir, qui sont pas mal non plus, au niveau visuel. Bah, ils sont moins bien réalisés que Thanos, mais attention, je dis pas qu'ils sont mal réalisés. Ils sont un cran en dessous, mais on y croit quand même. Même Ebonimo, on y croit. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a Corvus Glaive, il y a je sais plus les noms des autres, mais ils sont assez bien animés, puis dans les scènes d'action, ça passe très bien, je trouve. Les scènes d'action passent très bien, quelques petits bémols sur 2-3 CGI qui m'ont choqué. Ouais. Non, dans l'ensemble, voilà, du spectacle, de l'action, je ne sais pas si je pourrais dire que c'est un grand film quand même, mais un bon divertissement, ça c'est sûr. Oui, c'est un bon divertissement, c'est clair que c'est bien meilleur que l'Avengers Age of Ultron, qui m'avait beaucoup déçu. Bon, ce que je voulais dire, c'est que j'ai passé 2h30, plus de 2h30, je me suis pas ennuyé, je me suis pas tordu sur mon fauteuil en me disant « Ouais, c'est un peu mou, ça manque ». En fait, il y a des dialogues, mais c'est tellement bien équilibré au niveau du récit et des scènes d'action que moi, ça passait très bien. Maintenant, ce que je regrette, c'est qu'il y a beaucoup d'incohérences dans le récit, quoi. Voilà, ça, on va revenir sur la partie spoil. D'ailleurs, je pense qu'on va l'attaquer tout de suite. Hein. Ouais, donc, je me vois pas, on est déjà à près de 5 minutes de non-spoil, et là, on va un peu développer ce qui nous a pas plu, quoi. Ce qui nous a pas plu et ce qui va aussi vous spoiler malgré les trucs qui nous ont plu quand même, quoi. Bon, on va commencer par un ordre à peu près chronologique, sachant qu'on va se perdre dans le fil de l'histoire. Donc, ça va être un petit peu aléatoire parce que les idées m'arrivent un peu. Mais je préfère que te laisser la parole déjà. Je vais commencer à me lancer. Moi, je trouve déjà, bon point, c'est que l'histoire des personnages, elle est quand même bien intégrée. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas un univers à part. On retrouve à la fois l'univers des gardiens de la galaxie dans leur façon de tourner. Thor, ça devient un peu plus sérieux quand même. Ouais. Côté Iron Man est bien présent aussi, surtout quand il se prend chou avec Doctor Strange, parce que c'est quand même et les acteurs et les personnages, deux égaux surdéveloppé. C'est ça. Donc ça passe bien. Après, voilà, il y a des trucs, franchement, qui passent vraiment bien au niveau des jeux des acteurs. Je m'attendais quand même à plus de cabotinage de la part des acteurs, mais non, on y croit. Les scènes d'action, voilà, on les vit vraiment en direct, on y croit, à part deux, trois incohérences, mais sinon, voilà, les scènes d'action, on arrive quand même à être pris dedans. Surtout les incohérences, bon, je vais revenir à ce que tu dis. C'est vrai qu'au niveau du jeu des acteurs, c'est pas trop spoiler hein, finalement ce que tu dis. Et c'est vrai que Downey, on voit que ce soit Benedict Cumberbatch ou Robert Downey, même je pense à Chris Evans, qui est un peu en retrait dans ce film-là, je trouve. Hein. Scarlett Johansson, il y a Elizabeth Olsen aussi, Paul Bettany qui fait Vision. C'est tous des acteurs qui sont quand même confirmés, quoi. Et on le sent dans leur jeu, on le sent qu'ils sont impliqués dans l'histoire. Il n'y en a pas un qui dort à côté. Et puis, il y a vraiment un équilibre entre les personnes. J'ai envie de dire les têtes. On a Cap, Iron Man et Thor et peut-être aussi Hulk par moment, quoique Banner est un petit peu en retrait. Oh, Banner, pour moi, il fait complètement bouffon. Ouais. C'est vrai que là, il est un peu ridiculisé. Et entre des seconds personnages qui ont plus de profondeur, hein, je pense à Scarlet Witch, par exemple. Il y a vraiment une folle histoire. Ou bien Gamora, ou tu sais... Bah, les personnages secondaires, d'habitude, là, on nous les développe un peu plus. Ouais. Un peu tard, mais un peu plus quand même. C'est vrai que c'est plus agréable. Et du coup, on a plus d'empathie pour les personnages. Bon, je dirais pas... de l'extrême non plus, mais on s'y attache quand même un petit peu plus que dans les autres films. Maintenant, on va parler un petit peu de l'aspect combat contre Thanos. Avec beaucoup d'incohérences, hein. Je suis désolé, il y a quand même beaucoup d'incohérences, surtout quand on a fait la part du film. Une fois qu'on l'a vu, on est pris dedans, ça va, ça passe. Ouais. Mais c'est vrai que quand on sort de la salle et que notre cerveau se remet en route, il y a quand même pas mal d'incohérences. Comme tu dis, ça se remet en route et il y a des trucs qui te paraissent gros, surtout notamment dans le rapport des forces, quoi. Bon, pour moi, Thanos, il hérite des pierres de l'infinité. Je trouve pas que que ce soit les gardiens ou que ce soit les Avengers, ça réfléchisse beaucoup aux conséquences que ça peut avoir de comme ça, de faire n'importe quoi, ou de donner comme ça, j'ai l'impression qu'il a pas trop de difficultés, finalement, à récupérer les pierres de l'infinité. Je sais pas pour toi, mais... Après avoir passé 10 ans à courir après, voilà, un épisode, il les retrouve toutes. C'est ça. Ça fait running, quoi, c'est à dire que voilà, pierre numéro 1 check, pierre numéro 2 check, ça fait un peu ça. À certaines, c'est complètement comme je dis, facile. Bon, celle de Xandar, on la voit pas, heureusement. Ouais, je pense que il y a quelques facilités à ce niveau là et même d'autres facilités qui choquent encore plus, quoi. Ouais, surtout le combat où ils ont tous, je veux dire, ils se sont tous organisés pour vraiment le mettre KO, quoi. Le mec est KO et il suffit d'une malheureuse connerie pour que, et puis réfléchissement, on va pas trop dire pourquoi, mais moi, il y a des choses. Quand t'as quelqu'un qui est extrêmement menaçant comme Thanos, t'hésites pas à le mutiler ou à faire d'autres choses, je sais pas, moi. C'est clair, et puis, je veux dire, ça, la connerie, tu la vois arriver, mais même avant le combat, quoi. De loin, tu la revois de loin, tu dis, oh là, il va avoir de la merde. Paf, exactement, ça tombe là-dessus. Mmh. Et ouais, il y a des incohérences, je veux dire, le mec, ils savent qu'il va détruire la moitié de l'univers, ils le savent, hein, c'est son plan, c'est indiqué, etc. Mais non, il lui laisse toujours une chance de s'en sortir. Ouais, c'est ça, c'est son comportement de Star-Lord, déjà, qui pour moi est le pire des gardiens, là, dans ce film-là. Il y a que Doctor Strange qui a un comportement complètement incohérent et qui réalise pas ce qu'il fait, finalement. Alors là, je vais pas partager ton avis sur Doctor Strange, mais pas totalement, c'est vrai que je suis obligé d'être d'accord. Ouais. Enfin, il lui donne la pierre, qu'est-ce qu'il fout? Ouais. En même temps, dans la scène d'avant, t'as montré qu'il avait fait un peu une vision à la Madame Web ou à la Destinée, c'est-à-dire qu'il avait été voir dans le futur les différentes opportunités. Et je pense que dans le prochain Avengers, il va avoir une raison pour laquelle il lui a facilité la tâche. Moi, je m'attendais quand même à une pirouette style, comme je te l'avais dit, la pierre du temps, c'est la pierre du temps. Moi, je m'attendais à une pirouette avec un petit cheval de Troie dedans, quoi, en fait. Ouais, un petit virus, quoi. Une pierre un truc qui aurait empêché que, justement, qu'il puisse s'en servir, quoi. Et ça aurait été... assez logique connaissant Strange, parce que c'est quand même un manipulateur des arts occultes, mais on a tendance à oublier qu'avant il était un manipulateur d'hommes, quoi. C'est-à-dire qu'il arrivait à ses fins en manipulant sa chérie collègue. Il était chirurgien, quoi. Il était chirurgien, mais il prenait que ce qui l'intéressait, etc. Moi, il y a ces deux personnages qui me posent énormément de problèmes dans ce film. Il n'y a pas que, je veux dire, voilà, la première scène avec Loki, il y a Thor qui arrive pas à poutrer la gueule à Thanos, puis après ils sont, 5-6 super-héros mineurs. Ils arrivent complètement à le bloquer. Ouais. Moi, je suis désolé. Si Hulk ou Thor n'ont pas réussi à le poutrer, je vois pas pourquoi eux ils y arrivent, tu vois. Ouais, Hulk, je peux comprendre à la rigueur, mais Thor, c'est comme un dieu, et un dieu contre un dieu. Ouais, et puis sachant que, quand ils arrivent à l'immobiliser avec la scène avec Strange et les gardiens de la galaxie et Stark, Il peut pas normalement l'immobiliser parce que Hulk s'est fait plein. Alors qu'avec Hulk, il n'y avait qu'une pierre d'infinité. Mm. C'est-à-dire qu'il n'était même pas au maximum de sa puissance. Mm. Là, il y en a quand même 4 ou 5, et puis. Non, puis, ils arrivent à le bloquer. Ouais, je trouve que là, il y a un défaut dans l'utilisation des forces qu'on fait. Il faudrait que je me repense. Parce que tu vois la première fois, tu dis, ah, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais peut-être que si tu revenais une fois, tu te dis « Ah merde, il y a encore plus de trucs qui vont pas aller, quoi. » Bah c'est ce que je dis, on est sorti de là, on est pris dans l'action, et après en discutant, on se dit « Bah non, ça va pas, ça. Ouais. Ah bah ça non, ça va pas. » Moi c'est la scène sur Titan qui m'a posé plus de problèmes, quoi, en fait. Ah bah oui, ils avaient l'occasion d'arrêter tout le processus. Ouais. Non, ça leur vient pas à l'esprit, surtout que, voilà, genre quand tu dis « Ils auraient pu lui couper le bras », en plus, quand t'es pris dans la scène, tu dis « Bah non, ils ont pas d'armes capables de le faire. » Bah si. Et puis après, Stark, qui fait des objets contondants avec le reste de son armure. Complètement. Et tu te dis « c'est quoi ? C'est Général Hux, ce bonhomme ? Il sait pas réfléchir. » Enfin, je veux dire, ouais, il y a des trucs... J'ai l'impression qu'ils sont un peu idiots, les Avengers, à défaut. Ouais, il y a clairement des moments où tu te dis... C'est comme la scène d'invasion Wakanda, excuse-moi, mais quand t'as une espèce de filet d'énergie, qu'est-ce que tu fais ? En principe, t'enfermes ton ennemi, puis tu l'écrases. Bah, ou tu le coinces entre deux filets d'énergie. Ouais, c'est ça. Et puis tu resserres le... C'est un peu comme un filet. Ça se resserre et puis ça écrase tout ce qu'il y a dedans. Un peu comme la prison de lumière qu'avait fait... Enfin, vous ne devez pas connaître, c'est dans Ultimate Spider-Man. Docteur Octopus arrive à piéger tous les super-héros et à faire un champ rétrécissant. Ah d'accord. Ça m'a fait penser exactement à ce passage-là. Parce qu'à un moment, ils disent, bon, on va les laisser rentrer pour pas qu'ils nous consomment, allez, ouvrez. Juste un prétexte à avoir une grosse baston. Quoi. C'est ça, il y a beaucoup de prétextes dans ce film pour étaler longueur. Je me disais, mais punaise, ça traîne, il y a moyen, quoi. Je veux dire, Thanos, il est pas si balèze que ça, quoi. Non, et puis ça fait un peu, lui, on l'a pas encore fait montrer ce qu'il pouvait faire avec ses pouvoirs. Allez, on fait une scène. C'est ça. Ah bah tiens, lui, Spider-Man, ce serait bien de lui faire une scène où il envoie ses filets et tout. Iron Spider, ouais. Et hop, c'est parti. Ouais. Après, Stark, attention, il a une armure, c'est de la nanotech. Ouais. On pourrait peut-être faire une scène. Ouais, d'ailleurs, c'est bizarre que Stark, il s'est pris un gros glaive dans le bide, il est encore vivant. Il s'est recousu avec sa propre technologie. Et puis donc, après, pareil pour Captain America, tu te prends une patate comme ça par Thanos, t'es mort. T'es mort, hein, je veux dire, il arrive quand même à poutrer Hulk et à le mettre KO. Et Captain America, il se prend une patate. Ouais. En plus, il arrive bien à... Et tout va bien. Ouais, c'est la scène qu'on voit de... qui est redondante dans le trailer, c'est la scène où il prend le gant et qui arrive presque à le soulever, quoi. Ouais, ça, c'est complètement incohérent, quoi. Ouais, voilà, c'est une incohérence. Ouais. Et surtout que là, il est encore plus puissant, Thanos, il n'a plus qu'une pierre, je veux dire. Il arrive même pas à l'écraser, quoi. Non, il faut qu'il fasse une patate pour le dégager. Non, puis Thanos, quand il peut tuer ses ennemis, il dit, oh, toi, je t'aime bien, je te laisse vivre. Ouais, c'est ça. Mais c'est Thanos, les mecs, il a tué des milliards de personnes. Ouais, ça le dérange pas, quoi. Et bon, toi, je te laisse vivre. Pourquoi ? Bah, c'est marqué dans le scénar. Ta gueule, c'est magique. Ta gueule, c'est magique. Non, il y a des incohérents. Le film n'est pas mauvais en soi. Parce que c'est lourd quand même, il y a des lourdeurs. Il y a des lourdeurs, le film n'est pas mauvais en soi. Quand on est pris dans l'action, franchement, j'ai l'impression qu'ils ont un petit tour de passe-passe de Doctor Strange pour mettre notre cerveau sur pause. Parce que quand on est pris dans l'action, j'ai été complètement pris. C'est la pierre du temps, quoi. Ouais, voilà. Mais après, quand on réfléchit, on se dit, mais attends, mais là vous auriez pu le battre. Bah là, vous auriez pu le battre. Aussi. Bah là, vous auriez pu le battre. Ah ouais. Il y a des occasions, mais ils sont mortels dans ce film. Moi, je comprends pas pourquoi il est quand même censé être aussi fort que Thanos dans ses premiers trucs. Bah, il est même plus fort que Thanos à la fin. Il enfonce carrément la grosse hache. Même Thanos, il le troll en disant fallait me couper la tête. Mais j'ai eu clairement l'impression que le personnage nous trollait sur ce coup-là. Aussi, ouais. Ça se peut que il y a aussi ce décalage. Et puis, il y a les flashbacks. Il y a quasiment tous les personnages qui posent problème dans ce film. Alors Banner qui arrive plus à se transformer en Hulk, il n'y a pas d'explication. Hein. Ah si, il y a une explication. Ah bon Hulk veut pas parce qu'il vient de se faire poutrer par Thanos. Alors il y a peur. Il a peur. Ah, je suis d'accord avec toi, n'importe quoi. Après... Quand Banner est dans une situation de stress, ça a toujours été que... Bah, normalement, Hulk peut pas de lui-même redevenir Banner. Il faut toujours qu'il y ait une décompression émotionnelle. Pourquoi il parle avec Hulk d'un coup? Et bah du coup, maintenant, il arrive à parler avec Hulk. Moi, j'ai jamais vu ça. Ah si, moi, je l'ai déjà vu. Hein. Tu regardes dans Avengers Mightiest Hero, il parle avec Hulk sans aucun problème. Dans son intérieur. Ou à travers un miroir, d'accord. Ou un truc comme ça. Par contre, il y a quand même des bonnes scènes d'action. Hein. Quand tu vois Doctor Strange qui fait du multiclonage à la Naruto, ça, par exemple, c'était pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais c'est déjà vu quand même, ce truc-là. Ben, c'est la première fois que je le vois dans le MCU. Ouais, mais je veux dire, on l'a vu dans d'autres séries ou de films. Ouais, donc là, par exemple, on a des prorata de puissance à son niveau, Il y a toujours un problème, parce que si lui, il manipule les dimensions, pourquoi il n'a pas envoyé Thanos dans une dimension ? Alors, on va pouvoir dire, parce qu'il a la pierre de l'espace, qu'il peut venir de n'importe où, mais Loki sait se déplacer dans les dimensions, et sans N'empêche pas qu'il l'a fait tomber pendant 30 minutes dans le film de juste d'avant qui est Thor Ragnarok. Ouais, c'est ça, il y a d'un film à l'autre, t'as des trucs qui collent pas, quoi, tu vois. Ouais, puis bah, Loki meurt dans les premiers, ouais. C'est pas le premier qui meurt. Moi, je vais faire une petite aparté, hein. Le premier c'est qui pas meurt, l'Indien qui meurt, hein. Alors, le premier qui meurt, bienvenue dans le monde hollywoodien, c'est un black, c'est une dalle. Non, mais les mecs, faites mourir un blanc en premier, parce que là, ça fait vraiment cliché, quoi. Ouais, puis il y avait pas Korg, moi j'aime bien le Korg. Ouais, il y a des personnages de Thor Ragnarok qui sont pas là, hein. Ils ont déjà été éliminés, puis c'est marre, quoi. Donc il reste plus que Loki et Thor, comme par hasard. Ouais, enfin, Loki est pas épargné longtemps, et puis, Thor, il le laisse pour moi. Bon, il est enfermé avec, dans son truc en métal, ouais. Un peu à la Magneto, d'ailleurs. Il arrive pas à s'en sortir, quoi, le mec. Ouais, bah tiens, c'est Ebonimo, c'est ça qui est, ouais, ouais, un truc comme ça, ouais. Qui manipule, il est l'espèce pété, de le mec, sorcier, hein. Ouais. Ah, il est super pété, il fait de la lévitation avec les objets et tout, et il le tue comme une grosse merde. C'est vrai qu'il est largué, puis il est complètement gelé dans l'espace. Alors que dans les scènes d'avant, il était dans l'espace en train de te causer, quoi, dans la stratosphère, et là, apparemment, ça devient gênant s'il est tué. Bon, bah, une petite incohérence. Ouais, puis pour le clin d'œil à Alien, franchement. Ah bah oui, hein, la pop culture, hein, c'était Ready Player... Je veux pas couper vos œufs. Non, c'était Ready Player 2, en fait. Ouais, déjà. Ouais, non, mais c'est gentil. Bon, t'as un camion de Stanley, encore une fois inutile, quoi, mais... Ouais, c'est toujours marrant. Non, mais j'aime bien, moi je vais voir que pour voir Stanley. Après, je regarde le film. T'as qu'à regarder YouTube, ils font des compilations. Ouais. Donc, Après, ouais, moi personnellement, je dis pas que c'est un mauvais film. Je dis pas que c'est un grand film non plus. C'est un bon divertissement, mais faut mettre son cerveau sur pause, quoi. C'est un bon divertissement, mais faut pas avoir l'esprit critique et réfléchir aux incohérences, parce que là, sinon, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que... Et pourquoi vous faites pas ça dès le début, quoi. Non, mais les films individuels ont toujours été mieux, quoi. Je veux dire, Doctor Strange est quand même mieux, hein. Ah non, là, le film qu'on vient de voir, Avengers, est quand même mieux que, par exemple, Thor, le monde des ténèbres. Ouais. Voilà, au moins les individuels, il y a eu du bon grain et de livré. Ouais. Là, moi, je trouve qu'il fait partie des bons films, mais pas des meilleurs films. Ouais, je pense qu'on peut soulever pas mal de problèmes quant à la cohérence vis-à-vis de Thanos. Il y a aussi un petit caméo de Red Skull. Ouais, le Red Skull revient. Apparemment, ça fait des décennies et des décennies qu'il est tout seul, comme par hasard, à côté de la dernière pierre qui lui manque, enfin l'avant-dernière, qu'on n'arrive pas à en trouver, et il sait exactement comment la voir. Bah, en fait, voilà, c'est un détraqueur d'Harry Potter, en fait, Red Skull. Là-bas. Enfin, le mettre, il est tout seul pendant des décennies, il doit se faire chier, quoi. Ouais, bah du coup, ça lui a peut-être appris l'humilité. Ou alors, il voulait montrer une face bien, genre, de la mort, quoi. Je pense que un squelette rouge, c'est bien le symbole de la mort, quoi. De l'âme, c'est ça. Ouais, je pense que c'est plus pour le symbole, hein, franchement. Ouais, c'est le symbole. Pour faire plaisir aux fans, ou alors, je sais pas, il voulait peut-être qu'on le retrouve parce que c'était dans le premier vrai film Avengers avec Captain America. Quand il a commencé à parler d'un sacrifice, on a vu le truc arriver de loin. Ah bah moi je l'ai vu arriver quand elle a dit Peter, faudra me tuer s'il arrive quelque chose. Et ouais, bon, c'est ça. Ok, toi tu meurs. Et on sait pas, en fait, on saura jamais le secret qu'elle couvre. En fait, c'était ça, c'est que pour avoir la pierre de l'âme, faut sacrifier une personne que t'aimes. Qu'elle le savait. Bah, on sera pas. Non, mais ta gueule, c'est MCU. Ah oui, c'est pas mentionné non plus, cette affaire. Non, franchement, ouais, c'est pas mauvais. Mais, et la scène post-générique, qu'est-ce que vous en pensez, finalement? Ah bon, la scène post-générique, moi j'ignorais d'ailleurs qu'en 2018, on avait encore des badgers. Donc, voilà. Donc, Maria Hill, vanished, et Nick Fury, vanished. Aussi. Voilà. Beaucoup de morts quand même dans ce film, il faudra qu'on revienne dessus. Complètement. Et la scène post-générique, c'est ça, c'est Nick Fury qui appelle à la rescousse. Alors, faut être connaisseur quand même. Donc, c'est Captain Marvel, en fait, hein, ouais. Dana Danvers. Carol Danvers. Carol Danvers. Je crois que c'est Carol Danvers. Ouais, Carol Danvers. Ouais, c'est vrai qu'ils mettent le logo parce que... Mais je crois que j'aurais été plus subtil de mettre Carol Danvers, par exemple. Ouais, en plus, ceux qui connaissent pas le logo, ils connaissent pas Carol Danvers. Ah, ceux qui connaissent Carol Danvers connaissent le logo. Alors, comme ça parlait aux fans, ils auraient peut-être dû quand même. Ouais. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Ouais, ça c'est le détail. Mais Captain Marvel, d'après toi, c'est si connu que ça parmi le public. Alors, parmi Earth's Mightiest Hero, on a Carol Danvers. Ah ouais. Il n'y a pas de souci. Par contre, dans Earth's Mightiest Hero, il faudrait que j'arrête les titres en VO. Elle est vraiment pétée de pouvoir. Ah ouais? Ouais. Elle est encore plus puissante que Thanos, pour toi. Je peux pas te dire, parce qu'il y a eu des BD où c'est quand même Squirrel Girl qui arrivait à battre Thanos. Ouais, mais ça, c'est de la parodie, c'est du domaine de la parodie, ça. Bah, j'espère. Ouais, c'est comme Deadpool qui mettrait une patate à Joss Brolin, quoi. Tu vois? Et voilà, quoi, ce qu'on pouvait un peu dire. Tu veux peut-être rajouter des choses? Oui, moi je voudrais absolument parler des morts. Hein. Oui, alors le décompte, vas-y. Alors le premier, là, Heimdall. Deuxième, Loki. Alors Loki, ça m'a surpris quand même. Ce corps, quand même bien annulé. Le corps aussi, il est mort. Bah, on le voit pas mort, lui. Après, dans l'ordre, je vois un petit peu de mal. Gamora, par amour du goût. les méchants, j'y reviens pas. Le collectionneur, il crève aussi, non ? Le collectionneur, il meurt, mais on ne le montre pas. D'ailleurs, bien joué au niveau des pierres d'infinité, leur pouvoir. Ouais. Pour l'expression des pouvoirs des pierres. C'était pas trop mal fait, ça. Ouais, c'était vraiment bien fait. Ça, les pouvoirs de pierres d'infinité. On voit pas Cosmo et Howard the Duck, mais tant pis. Hein. Après, dans les morts, quand même Peter Parker. Hein. Ouais, passé à Alpha Crest. Ouais, mais là, t'as oublié Wakanda. Wakanda, Black Panther, mort. Black Panther, ouais, Cholo. Ouais, et puis après, bon, dès qu'on s'en fout, Falcon, Bucky, Winter Soldier, Bucky, Wanda Maximoff qui meurt aussi, Vision. Vision meurt. Enfin, après, on a quand même pas mal. Tous les gardiens de la galaxie sauf Rocket. Ouais, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Ouais. Même Groot qui sert de manche pour Stormbreaker, le nouveau marteau de Thor. Stormbreaker qui, tu m'as dit, d'après ce que tu m'as dit, ce serait l'arme de Beta Ray Bill. Ah, pour moi, Stormbreaker, c'était le marteau que Thor a offert à Beta Ray Bill. D'accord. Mais bon. Et on a même la présence de Trask dans le film. Un nain géant, ça c'était bien. Ouais, c'était pas mal. Donc, c'est Peter Dinklage et c'est un nain mais géant, ça c'était bien trouvé. Ouais, c'est pas mal. Et par contre, au niveau du Stormbreaker, ça rend Thor surpuissant. Ouais. Mais je pensais que justement parce que Mjolnir était pété qu'il devenait surpuissant. Que là, il y a un truc que j'ai pas compris. Dans Ragnarok, en principe, la puissance elle est en lui maintenant. Ouais, elle est en lui, c'est-à-dire qu'une fois que Mjolnir est pété. Il peut balancer des éclairs et tout, quoi. Ouais, il peut balancer des éclairs lui-même, en fait ça le débride, quoi. Et c'est pour ça qu'on est choqué au début du film. Bah ouais, parce que c'est vraiment une grosse merde, Thor, dans le début. Quoi. Il a quand même réussi à poutrer la gueule à Hulk dans une arène. Ouais. Et là, il est par terre, il fait plus rien, quoi. Donc il y a un problème de rapport de force, comme tu disais au début. Ouais, c'est ça. On va continuer un petit peu le décompte, parce qu'il y a Spider-Man. Ah, donc Peter Parker, je l'ai dit. Les gardiens, tu as dit. Ouais, tous les gardiens. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Nick Fury, Maria Hill. Ouais, Strange aussi qui Strange meurt, aussi, ouais. Alors qu'il me semblait qu'on nous avait annoncé un Strange numéro 2. Mais il reste tout seul, alors, Tony Stark. Tout seul avec Nebula, qui est arrivé à la fin, dans un vaisseau Chitauri. Ouais, là aussi, Nebula, quand elle se bat avec Thanos, t'as l'impression quand même que Thanos, il est un peu mou. Hein. C'est ça que je comprends pas, parce qu'on a un Thanos qui veut dire vraiment pété et super fort, et à un moment, t'as les personnages les plus faibles qui arrivent à le mettre en difficulté. Ouais, et puis carrément, lui, il le touche avec son épée et tout. Alors que la scène d'avant, Gamora a essayé de le planter et puis a utilisé sa pierre de réalité. Ouais. Je veux dire, il a chié dans la colle, Thanos ou... En fait, il y a beaucoup de morts, bon, ils disparaissent par une espèce de fumée. De cendres. Ouais, ils dispersent en fait. Voilà, ils se désintègrent un peu à la cobaye. Dans le film de Cobra, ils se dispersent de la même façon. Bien quand dans Jumanji aussi, il y avait cet effet-là. Ouais, dans Jumanji aussi, ouais. Ouais, voilà, quoi. Donc ça se termine, c'est le premier film Marvel qui se termine sur une mauvaise note, quoi. Ouais, il se termine, là c'est Thanos qui a gagné, c'est pour ça, moi je dis le film, c'est Thanos. On essaye par contre de vendre un Thanos, regardez, il a raison, il y a une raison, etc. Voilà, j'ai pas accroché du tout à l'empathie envers Thanos. Ouais, mais non plus. C'est vrai que pour un super vilain, là c'est un vrai super vilain. Là, il y a de la personnalité, il y a quelque chose, hein, comme on disait tout à l'heure, il est incarné, quoi. C'est pas Steppenwolf, quoi. Non, mais déjà. Ou même le moustachu dans Wonder Woman, là, je sais plus son nom. Henry Cavill. Non, pas le. Ah non Ares. Ares, tout à fait. Que t'es bidon aussi, lui. Ouais, non, là, les CGI, on y croit, y'a pas de soucis. Ils vont modéliser. Alors, les CGI, on y croit, et puis après, ils vont mettre 2-3 fonds verts dégueulasses. Ouais, mais y'a le budget aussi, là. Bah, 300 millions, tu les as vus, toi. Ouais, c'est le salaire de Chris Evans et de Robert Downey. Ouais, je pense qu'ils ont dû surtout dire, on va rajouter 2-3 scènes pour faire plus, ils ont été pris de court. Parce qu'à la fin, faut pas se foutre avec du monde. Moi, je m'attendais quand même, grossier, mais excusez-moi. Mais moi, je pensais vraiment qu'ils allaient faire crever Captain America et Iron Man et Black Widow. Qu'on allait plus entendre parler d'eux, quoi. Bah, ça aurait été, je pense, un peu plus logique, mais peut-être que comme les fans s'attendaient à ça, ils ont décidé de prendre tout à contre-pied. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bah, je sais pas, on a l'impression qu'ils gardent tous les anciens, mais tous ceux qui ont des films, tous ceux qui ont commencé dans le MCU, ils restent vivants. Ouais, les précurseurs des Avengers. C'est ça. Donc tous les nouveaux Avengers qui sont arrivés après Avengers Age of Ultron, ils dégagent tous. Voilà, ça dégage, on en a pas besoin. Donc, et en plus, l'année prochaine, on aura Captain Marvel. Mais il est prévu aussi un Spider-Man 2 et un Doctor Strange 2, hein, aussi. Alors, pour Doctor Strange, je sais pas comment ils vont s'y prendre. Ouais. Bon, Spider-Man 2, il y a moyen, on peut mettre Miles Morales. Ouais, aussi. En plus, je le trouve quand même plus adapté en Ultimate Spider-Man, parce que là, ça se rapproche vraiment des univers Ultimate. Ouais. Le MCU, je trouve plus adapté, quoi. Moins torturé que Parker, mais aussi plus humanisé que Parker, je trouve quand même. Enfin bon, ça c'est tout ouais, à bon, fait je connais pas, personnel. mais bon, il serait intéressant de peut-être voir ce super-héros. Ouais, bah, Docteur Strange, ouais. Peut-être qu'il y aura Dormammu dans l'histoire, je ne sais pas. D'après Captain Popcorn, vous pouvez aller voir ses vidéos sur Ouais. Internet, on en apprend quand même. Apparemment, il pense qu'il y aurait un rapport avec le Microverse et Ant-Man, qui nous dirait un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer dans le prochain Avenger au niveau des mondes parallèles, etc. Ouais. Bon, c'est une théorie, hein, c'est pas Les mondes forcément parallèles, la c'est réalité. les différentes terres comme dans le DC Comics, quoi. Bah, d'ailleurs, en se faisant la référence, Mmh. ils s'attendent, ils vont tous se retrouver, ceux-là, dans un univers parallèle, et puis Ouais, c'est ça. combattre deux univers T'auras la simultanément. Terre 1 et Terre 2, quoi. Ouais, dans l'univers miroir, avec Ouais, Michel c'est Yeo. ça. Giorgio et Lorco. Pas de spoiler, hein, s'il te plaît. Mais comme tu dis, bon. Ah non, ils vont appeler Henry Cavill, comme ça tout va s'arranger. Ah ouais, vu Faudra que gommer la dans moustache. quand Justice League, si Superman n'était pas là, Steppenwolf aurait gagné quand même. Ouais, ça c'était une facilité de Ouais. Justice League. Et là, je pense que ça va être la facilité de Carol Danvers. Ouais, c'est ça. Ça va être la grosse balèze qui va venir pour. Faut quand même ramener ceux qui sont morts, quoi. Bah, je me vois mal. Voici, pour certains personnages comme Parker, il n'y a pas de souci. Hein, mais pourtant, ça lui apprendra à ouvrir sa grande gueule sur les réseaux sociaux à Tom Holland. Des spoilers, et on a lâché quand même Ah pas ouais, il mal. lâche des morceaux, lui. Ah, il lâche Ouais. des sacrés morceaux, il s'est fait engueuler une paire de fois par la prod. Après, voilà, si tu prends Parker, Miles Morales, ça passe, hein, je veux dire. Les Spider-Man, il y en a une Ouais. paire quand même. Après, voilà, s'ils font un Doctor Strange, ils vont bien être obligés de le ramener. Ouais, lui, ouais, il est indispensable. À moins Dormammu, qu'il il va le ressusciter. rencontre Fatalis comme dans Secret Wars, quoi. Après, voilà, il faut pas oublier qu'on est quand même sur du Marvel, que Marvel a enfin réussi à racheter la quasi-totalité de ses personnages. Ouais. On n'est pas à l'abri d'une refusion de l'univers pour créer un nouvel univers MCU. Bah surtout que là ils vont récupérer les droits des 4 Fantastiques et de X-Men. Ils les ont déjà, ça y est. Ouais, ils les ont rachetés. Deadpool vient appartient officiellement à Marvel. Deadpool, Marvel, les 4 Fantastiques maintenant, on peut l'intégrer dans le MCU parce Ouais. qu'il n'y a plus de problème de droit, ainsi que une licence mineure que je ne devais pas connaître, s'appelle les X-Men. Y a beaucoup de films. Depuis, il y a au moins 7-8 films de X-Men maintenant. Après, ils vont peut-être faire un on efface tout et on recommence, hein, comme je dis, une refonte totale de l'univers. Ouais, mais ça colle pas, quoi. Ah non, il faudrait repartir de zéro. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que alors là, si on repart de zéro, au niveau du réchauffé, ça va se voir. À fond, hein. Ah Ah ouais. ouais. Ah ouais, il a réchauffé la Star Wars, ouais. Bah, en tout cas, Infinity War, donc forcément, il est en deux parties, parce que normalement, il devait avoir Infinity War 1, Infinity War 2. C'est ça. Donc, ils ont juste renommé Infinity War pour pas gâcher le fait qu'il y aurait une suite. En même temps, c'était couru d'avance, hein. Ils peuvent pas gérer l'histoire de Thanos. Pour moi, il faisait un film de 3 heures, c'était bon. Moi, je pense qu'il y avait plus à travailler. Je crois qu'ils veulent réintégrer les nouveaux personnages qu'ils vont développer après dans cet univers, quoi, je pense. Il y a Donc, quoi comme nouveau personnage qui va arriver là? Parce Carole. que, à part Captain Marvel, j'ai pas dans le calendrier, il y a pas tellement de nouveautés finalement. C'est tout des suites hein, qui va arriver bientôt. Bah, tout de suite, mais on va pouvoir faire un petit peu de nouveauté. Là, on est parti sur des bonnes bases. Hein. Pour reconstruire un nouveau monde, il faut éliminer l'ancien. Là, bonne devise pour Thanos. Enfin, excuse-moi, mais éliminer l'ancien, quand t'as Captain America, Iron Man, Stark, les quatre dominants, quand je veux dire Black Widow et Thor, c'est pas éliminer l'ancien, hein. Bah, comme par hasard, c'est la génération primaire qui reste vivante. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Alors que c'est vrai que si on aurait eu, je sais pas, un Jim Shaw ou qui redevient un Iron Man ou un truc dans le genre, ça aurait été peut-être plus Ouais. intéressant. Ouais, tu veux Une dire. relève qui Un relève un Banner peu le aussi, il niveau. survit, je crois. Banner aussi, il survit. Et Banner, il survit Ouais, aussi. d'ailleurs, il est dans son armure, là. Ah non, c'est un peu Hulkbuster. Ouais, on a évoqué quelques théories pour la suite. Bon, après, il n'y aura rien de prouvé jusqu'en 2019, alors quand Avengers, le prochain, va sortir. Ouais. Normalement, c'est 2019, hein, si ma mémoire est bonne. Bon, moi, forcément, je vais aller le voir pour voir comment se termine cette Ouais. histoire, en espérant que c'était pas ça, la fin de l'histoire. Non, ben, un film, vous pouvez aller le voir quand même, hein, on peut vous le recommander, mais voilà, si vous êtes un peu plus pointilleux sur les erreurs du scénario, je pense qu'il y a quelques points qui risquent d'être un peu choquants. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que comme l'ami Strange, qui a quand même la pierre du temps, bah, il aurait quand même pu l'utiliser mieux que ça, quoi. C'est-à-dire Après, revenir au temps où Thanos était sur Titan, quoi. ouais, après, Tu voilà, vois? mais là, ça, non, Une c'est. fois qu'il avait passé, une fois, il n'y avait pas encore le gant, quoi. Non, mais comme je te dis, là, ça fait le scénario, ça check, ça check, Ouais, ça check, ça check, c'est à voilà. l'arrache, quoi. Non, mais il fallait qu'il ait les 6 pierres, voilà, il a les 6 pierres. Bon, c'est pas quelque chose qui m'a choqué plus que ça, parce que, apparemment, utiliser la pierre, ça risque d'attirer Thanos. Ouais. Mais bon, voilà, quoi, c'est une facilité scénaristique, hein, je te l'accorde, mais ça m'a pas Complètement. choqué plus que ça. Voilà quoi, dans l'ensemble, film divertissant, pas ennuyeux, enfin je sais pas pour toi, moi, je recommande quand même. Ouais, je recommande, hein, allez-y, allez le voir, ouais. Vous vous ennuierez pas. Pas un film raté Marvel, pour moi pas un énorme film Marvel. Tu veux qu'on mette une note vite fait? Bah, je vais quand même lui mettre la note de 4 sur 5. Ouais, 4 sur 5 voilà, si tu veux noter sur 10. 3. Un 3 sur 5 ouais. Pour Fabien, 4 ouais. Sur 5 pour moi. Ouais, ça approche pas... C'est pas parfait, mais pour moi c'est très divertissant. C'est un bon Marvel, mais pas un des meilleurs Marvel. Ouais, enfin, c'est quand même mieux que Thor Dark World. Ben voilà. Et c'est... Iron Man 2, les mecs, c'est quand même les pires. Hein. Donc c'est pas dans les pires, hein, largement pas. Mm. Ouais, c'est vrai, je suis pas sûr qu'il soit dans le trio de tête. Merci d'avoir écouté cette pastille jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. À la prochaine.